point pété. Ce point pété. C'est le... C'est... C'est le point pété. Le point pété. C'est... Le point pété. Le point pété. C'est lui. C'est lui. C'est celui-là. Attends, c'est celui-là. Shit. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans ce nouveau point pété, ce troisième point pété, si je ne me trompe pas. Alors, je suis seule, hein, je suis la seule animatrice de ce point pété. Malheureusement, Julien s'est mis une pété hier. Et donc, ce soir, il n'était pas d'humeur à se mettre une pété. Mais écoutez, ce n'est pas grave, hein, on est là tous ensemble. Hein, pas besoin de Julien pour s'amuser, même si... Julien apporte beaucoup de bonheur dans le point pété, bien sûr. Alors, nous sommes en ligne avec notre première invitée. Mais alors, avant d'avoir notre première invitée, je vais juste m'assurer que tout se passe bien sur le Discord. Je vous laisse me dire si vous m'entendez bien. Et si vous m'entendez bien, juste si vous m'entendez bien. Je vous laisse 2 secondes. Je vais vous envoyer un petit message pour vous demander si vous m'entendez bien. Hop. Ah, super. Vous m'entendez bien, donc nous pouvons nous mettre en ligne avec notre première invitée, qui est une première invitée du point pété. C'est la première fois qu'on vous a dans le point pété. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, c'est la première fois que je suis dans le point pété, parce que jusqu'ici, je n'étais pas vraiment pété. Est-ce que c'est votre première pété? Bah, j'ai eu une fois une gueule de bois, mais c'était pas vraiment une pété. Si, bah, c'était une pété si j'ai eu une gueule de bois, mais c'était plus un apéro qui dérape plutôt qu'une pété en son âme et conscience, comme on dit. Vous êtes donc Mona Gendry, hein, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, hein. Bien sûr, il y a peut-être des nouveaux, qui sait. J'ai regardé combien on a d'auditeurs. On en a... Les bots. On a 49 000 auditeurs, donc il y a forcément des gens qui ne vous connaissent pas, Mona. Oh, wow. Donc c'est votre première pété du confinement. Première grosse pété. Pété sincère. Bah, disons que j'ai un peu anticipé le déconfinement. Je me suis délocalisée juste avant la fin, mais tout en restant prudente. Respectant la prudence sanitaire qui s'impose. Vous dormez sur place, bien évidemment. Oh oui. Oui, je reprends pas la voiture avant que ce soit autorisé. Parce que autant j'ai ressenti une certaine liberté à conduire entre Moudon et Pensé, autant j'étais stressée de me faire arrêter. Toute mon excuse pour bouger, c'était de faire des courses alors que c'était un jour férié. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, ça sert peut-être pas. Je me suis renseignée sur les horaires des trucs qu'il y avait dans le coin pour pouvoir étayer mon mensonge si jamais je me faisais arrêter. Alors, vous aviez vraiment prévu votre scénario, the perfect scénario? Bah, je comptais dire, ah bon, c'est férié? Ah bah, je savais pas. à Pansy, au wagon, ils vendent des légumes. Alors, ils vendent que le mercredi et le vendredi. Je me suis dit que... Ils ont rien mis sur ma page Facebook, alors voilà quoi. Quoi voilà, c'est férié? Mais qu'est-ce que je vais servir à monsieur et madame machin? Je comptais faire la naïve. Oui. Voilà. Mais il vous aurait dit, mais madame, vous n'avez pas le droit d'inviter des gens. Mais il m'aurait dit, madame, vous avez le permis de conduire, vous avez l'air d'avoir moins de 18 ans. Non. Et là, je les aurais distrait avec ma carte d'identité et c'est très bien passé. Alors, Mona, vous connaissez bien sûr la radio des bons cons, vous connaissez le point pété, vous savez comment ça fonctionne, hein. On a des auditeurs qui sont en direct avec nous sur le Discord et qui nous posent, qui vous posent des questions. Alors, je remonte un petit peu. Alors, attendez, je vais juste donner une règle pour le point pété de ce soir. Il y a pas mal d'onglets qui ont été créés depuis genre 24 heures. Donc, je vous demanderai de ne parler, de ne vous exprimer que sur le salon générale, parce que sinon je ne vais jamais trouver vos messages. C'est une logique, implacable. Vous pouvez aller faire la fête hein, dans l'onglet gros stuff, mais franchement ça me fait trop chier parce que sinon je vais pas retrouver. Alors, Mona, il y avait Kenzout qui vous demande, c'est qui gagne? C'est qui gagne le match? C'est une autre. Elle a juste dit c'est qui gagne, donc à vous de me dire. Eh bien écoute, je peux te dire que ceux qui gagnent le match, c'est les nôtres. Ah, alors vous savez peut-être, hein, Mona, que ce soir, il y a un concours. Le fameux concours. J'avais commencé à essayer d'y participer et je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'avais des problèmes de faux roux. C'est compliqué, mais j'ai pas réussi. Mais je compte faire au moins un oops avant la fin de cette radio. Vous avez fait un petit oops quand même pour l'anniversaire d'Hugo. Oui, mais c'était pas vraiment un oops. Il n'y avait pas de paroles. C'était pas chanter des paroles sur des paroles. C'était inventer des paroles sur une musique. C'est pas pareil. Oui, écoutez, ce n'est pas terminé. Vous avez encore plein d'occasions pour faire des oops. Enfin, plein, pas plein, j'y mais bien. Quelques occasions. Par exemple, la grâce matinale, qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire à nos concitoyens. Oui, on n'a pas toujours. Nos sept on s'est trouvé l'inspiration en arrivant ici et on n'a pas trouvé plus d'inspiration que ça pour la grâce matinale. Mais écoutez, vous avez encore du temps. Alors attendez, j'ai une oui, y a... c'est jusqu'à dimanche. Oui, ce sera dimanche 11h, donc vous pouvez m'envoyer vos messages, vos chroniques, vos oups demain soir, on va dire 18h maximum, pour que j'ai le temps de faire le petit montage et d'aller me coucher pas trop tard. Bah, j'y pense encore fort demain, et je pense, normalement, si on met tous nos cerveaux ensemble là-dessus, ça devrait le faire. Alors, au moins trouver un truc, au moins une chronique. Il y a Théro qui dit « Ophélie sous coke ». J'ai fait un hoop spécial pour ce point pété. Est-ce que je peux vous l'envoyer et vous le diffuser en track? Bien sûr, vous pouvez me l'envoyer. Faut juste que je le récupère et que je le diffuse. Voilà. Parce que bien sûr, c'est un point pété où je suis pété. Et je pense que de tous les points pétés, Mona, c'est celui où je suis le plus pété. Oh waouh! Wow, je pensais que celui où vous étiez le plus pété, c'était celui où vous avez dit... Julien, cher co-présentateur, chute. Non, mais non, justement, parce que en fait, d'habitude, il y a Julien pour me dessouler, parce que voir quelqu'un de bourré à côté de moi, je me dis, oh, je suis pas si bourré que ça, et du coup, j'arrive à me gérer. Sauf que là, je suis toute seule dans le salon, et je me dis, merde, personne pour gérer tu cette personne. Tu portes tout le poids de la pétence sur tes fraises d'épaule. Exactement. Je comprends. Alors, la question qu'on a beaucoup posée dans les points pétés, c'est quelle est votre plus grosse pétée? Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Bah alors, j'ai tendance plus à me rappeler mes plus grosses gueules de bois que mes plus grosses pétées. Mais vous pouvez raconter la plus grosse gueule de bois, si vous voulez. Ah, mais c'est vrai. J'en ai beaucoup trop, des grosses gueules de bois. Alors, Mona, vous m'avez dit hors antenne que vous aviez mis le haut-parleur. Ah, j'ai enlevé. Ah, vous l'avez enlevé. Pourtant, je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pourriez parler un peu? Je vais essayer de rapprocher ma bouche, mais voilà. Là, c'est bon. Oui, là, c'est parfait. Allez-y. Je vais essayer de garder cet angle, alors. Eh bien, je pense que mes pétés préférés, c'est les pétés où on se réveille le lendemain et qu'on a dormi que 2 heures et que c'est l'après-midi qui fait beau et qu'on décide de boire encore. Et que du coup... on n'a pas grand-chose à faire de plus et on a juste à rester sur place et finir les bouteilles et faire des jeux. J'ai un souvenir d'un lendemain de soirée qu'on avait fait à Pouilly-les-Coteaux où on a décidé de faire du roller avec les rollers qu'il y avait à Pouilly-les-Coteaux. Et j'avais un vélo avec une remorque et des rollers et un tandem. On a essayé plusieurs moyens de locomotion différents et c'était très drôle. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis pris... en tant que personne qui possédait les rollers, déguisé en Obélix, je me suis pris des belles tôles, mais je me suis pas fait mal. Et première fois que je me suis sentie vraiment une âme de sportive. Donc. Mona, c'est une de mes pétées préférées. Monan, on vous entend pas très bien, mais moi j'ai quand Ah, même compris toute votre histoire, mais on vous entend pas très bien. Est-ce que c'est possible de peut-être changer de pièce? j'étais cachée dans la salle des autres, on n'est pas imbécile, mais les autres. Alors, je peux aller dans les Bah, toilettes, on peut essayer, hein. écoutez, parlez-moi un petit peu des autres personnes qui sont avec vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Pansé? Eh bien, écoutez, je suis allée à Pansy et j'ai rejoint Monsieur Théo et Monsieur Charlie et Monsieur Jordan et Madame Chloé. Et là, je suis en train de me cacher dans les toilettes pour voir si ça fonctionne mieux comme pièce. Est-ce que les personnes qui sont avec vous sont en train d'écouter le point pété? Bah oui, en tout cas, Monsieur Théo a mis le point pété sur son ordi. Et Madame Chloé et Monsieur Jordan, ils sont en train de parler. Alors, je sais pas s'ils ont rejoint Monsieur Théo. Quand je suis allée me cacher, ils étaient en train de parler. Mais je pense qu'ils sont en train d'écouter le point pété. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, il y a Théro qui est sur le Discord, bien sûr, hein, on l'a vu. Mais c'est pour ça que je me Attendez, demandais on pour va. Jordan Jojo, va aller aux toilettes où je me suis cachée. Alors, attendez, je sors des toilettes. Je me mets dans le salon, du coup. Ils vont tous dans les toilettes. Oui, je dérangeais là où je venais de me cacher. Alors, donc Mona, je vous propose de rester avec moi. Mais Super. est-ce que c'est possible pour vous de rester avec moi, mais en même temps écouter la radio des bons coins? Eh bien, je peux faire ça, mais du coup, si j'ai pas besoin de parler, parce que sinon ça fait un Oui, décalage. bien sûr, vous n'avez pas besoin de parler. C'est juste, Ça va très bien. on va écouter un petit oups. On va se lancer dans les oups. Oh, super. Je vais juste Espérons. préparer ça, car j'ai eu des petits soucis avec l'application, comme je vous disais tout à l'heure, comme on était en ligne avant le direct, hein. Ben oui. Je voulais mettre. Ah, voilà. Celui-là. Alors, j'ai demandé à tout le monde de m'envoyer un oups de Britney Spears, vous le savez, Mona. Oui. Et j'ai reçu un oups qui n'était pas Britney Spears. Et du coup, j'étais un peu en colère parce que j'étais. Franchement, C'est pas bon. j'ai demandé. C'est pas compliqué ce que je demande. Je demande un oups de Britney Spears, de cette chanson. On m'envoie un autre truc. Alors que. Tout le temps, je veux qu'on m'envoie tout le temps des trucs comme ça, tu vois, des trucs spontanés, des trucs machin. Là, on m'envoie un oups. Quand tu donnes des consignes, ça fonctionne pas. Exactement. Surtout quand on m'envoie un mail en disant, bien sûr, c'est pour le point pété, c'est le oups, mais on s'est peut-être trompé de chanson. Tu vois, j'étais, ah, oh, franchement, c'est abusé. Alors j'étais en colère, et puis j'ai écouté, et je me suis dit, franchement, je suis plus en colère. Ça vaut le coup. On va l'écouter ensemble, et on se retrouve tout de suite. Mais Tenez à vos prévôts. Alors, ah, bon, j'avoue ma part de responsabilité, il faut que je vous montre clairement, je sais que je l'ai pas toujours fait, mais n'oubliez pas que quelquefois je suis aussi censé chanter. Ou alors moi je veux bien ne pas chanter, mais il faut qu'on se mette d'accord. Non, tu chantes. Tu chantes, Bob. Et il y avait un autre truc qu'il fallait que je vous dise, mais je l'ai oublié, on verra. On peut y aller. Allez, c'est parti. Attends. Non, non, non, c'est bon, c'est parti. Non, mais s'il y a du blanc au pire avant, c'est pas grave. Là, ça, il va le garder si ça se trouve. C'est bien. Radio Bonkon. Radio Bonkon. Ton, ton, ton, ton. Ton, ton, ton, ton. Là, c'est tous ensemble, les enfants. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad.

un petit peu pété. Un petit peu pour le point pété. Un tout petit peu. Mais ouais, ça, l'écoute, ça s'est passé dans l'allégresse générale, dans la bonne humeur, dans le plaisir. Dans le plaisir. Voilà. Les notes de Noël ont procuré chez nous une effervescence joyeuse. Et qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la soirée, Mona, dites-nous. Eh bien, écoutez, on s'est dit qu'on allait faire un oups, du coup, après. Oui, après, on va faire un petit oups. Pour qu'on se mette d'accord sur quoi, quand, quel moment, mais je pense qu'on devrait faire un oups. Vous avez une petite idée, peut-être, pour la chanson, non? Bah, moi, j'en ai une en tête, mais je sais pas si je la fais là maintenant avec tout le monde, ou si je la garde pour en solo plus tard, ou si les gens veulent le faire avec moi maintenant. Je ne sais pas. Bon. Mona, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce point pété. C'était un honneur de vous avoir. Eh bien, mon plaisir, madame, mon grand plaisir. C'est un plaisir de partager mon oreille avec la vôtre. On aime beaucoup ce que vous faites, chère directrice. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, je pense qu'on va peut-être... On va peut-être vous rappeler, hein, à Pansé, hein, Radio Boncon, parce que je dis on, mais je suis toute seule, donc je vais peut-être vous rappeler. On garde le portable sous la main. Très bien, mais en tout cas, restez sur le Discord, restez connectés. Merci beaucoup, Mona. Stay tuned. Stay tuned, bisous. Stay indulgent. Et franchement, stay at home quand même, encore quelques jours, même s'il ne faut pas nous prendre pour... Franchement. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Pas nous prendre pour exemple, mais stay at home quand même. Ça sert dans les gestes barrières. Bisous, Mona. Bisous. À bientôt. À bientôt. Restez connectés, restez, parce que on n'a pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de surprises ce soir, beaucoup de surprises. D'ailleurs, il y a une surprise qui arrive tout de suite. C'est une surprise que j'ai créé ça tout à l'heure en me disant je vais diffuser ça pour la grâce matinale de demain. Mais il n'y aura pas de grâce matinale demain, bien sûr. Si vous êtes au courant de ce qui se passe sur Radio Boncon, vous savez que la grâce matinale ne sera pas demain matin, mais elle sera dimanche matin à 11h. Et donc, je vous laisse découvrir en exclusivité, Exclusivity Radio Boncon. C'est un oups de mon être, spécial dédicace à Kenzout Lazouzout. People they must not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. With you joining our crusade, you will be strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing the song of freedom? If you think of a people who will not be safe again, when the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a loud about to start when tomorrow comes. Be the one that gives the world the banners they advance. Some will fall, but some will live, but just enough to take a chance. The blood of the mountains will water the meadows of flowers. Do you hear the people singing the song of hungry men? Is it the music of a people who will not be slaves again? When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. C'est le point pété. Vous êtes toujours dans le point pété sur la radio des Bourgons et clairement, là, il se passe un truc qui m'énerve trop. Donc, je vais remettre le son de notre interlocuteur. Qui êtes-vous, putain de merde ? Attends, je te passe prison. Ah, bah voilà. Non ? Alors là, il y a un gros fight en ce moment. Alors moi, je voulais avoir Louison. Clairement, j'ai appelé le téléphone de Louison pour parler à Louison parce que la dernière fois, je vous rappelle que si vous avez suivi... Bon, je te la passe, Souk, c'est pas moi que tu vas engueuler pour ça, hein. Bah oui, j'espère. Allez, ta gueule. Bon. Alors ? Allô ? Ah, bah Louison, alors du coup, vous vouliez pas me parler ? Non. Ça vous plaisait pas de passer dans le point pété ? Non, je crois que je suis devenue un peu phobique du téléphone à cause de cette radio. Mais pourquoi ? Parce que vous avez peur des questions que je vais vous poser. Trop de pression, je crois. Bah écoutez... Les gens sont trop drôles, trop intéressants, je préfère passer ma vie à les écouter. Arrêtez. Plutôt que de parler moi-même. Et là, ça va, comme je suis un peu pété. Vous faites partie des personnes les plus drôles du monde entier. Mon Dieu, vous n'êtes pas du tout dans l'exagération. Ben non, je suis pas dans l'exagération. Bon, attendez, la dernière fois, j'avais trop bien préparé mon émission, j'avais des questions de ouf à poser à mes invités, et là, je me suis dit, mais où sont ces questions ? Je vais essayer de les retrouver, et je suis en train de les chercher, justement, et je vais peut-être les trouver. Mais je crois que la dernière fois, déjà, vous aviez ce problème de vous aviez préparé les questions, puis vous aviez fermé votre ordinateur, et les questions avaient disparu. Mais c'était exactement ça. Mais... Comme quoi, ça sert à rien de préparer les choses. Bah, un petit peu quand même. Je finis toujours par disparaître. Oui, mais si j'avais pas préparé au début, je les aurais pas perdus. Donc, c'est vrai. Enfin, vous avez compris. Alors, attendez, j'ai compris. Alors, Louison, si je vous donnais 5000 euros pour vous former sur un sujet, lequel choisiriez-vous ? 5000 euros ? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je choisisse une formation qui nécessite de l'argent pour me former. Ouais. C'est-à-dire pas un truc que je peux faire toute seule. Ah bah si, je crois que je m'entourerai des plus grands scientifiques de la Terre et autres astronomes qui saurait bien vulgariser les choses et qui m'expliquerait les choses comme je peux les comprendre, c'est-à-dire avec des mots plutôt littéraires et des images, pas trop de termes scientifiques et autres trucs que je ne comprends pas. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Pour être très honnête. Je continue à faire mes recherches de mes questions. En fait, c'est que franchement, j'avais trouvé une liste de questions mais qui était délicieuse. Et du coup, franchement. C'était à poser au bon compte, c'était un délice, un régal, une merveille. Et en fait, je suis en train de chercher sur Internet sans avoir cherché directement sur mon ordi, alors que peut-être que j'ai tout enregistré sur mon ordi. Hop. Louison, quelle est ta devise ? Quelle est ma devise ? Je sais pas. Quelle est ma devise ? Je sais pas. Attends, si je réfléchis un petit peu... Non, si je réfléchis un petit peu, j'en ai toujours pas. Je crois que j'ai pas de devise. Ma devise, c'est de ne pas avoir de devise. Parce que, voyez-vous, j'ai l'impression que les devises, c'est fait pour se cantonner aux choses. Et moi, j'aime quand on n'est pas enfermé dans des cadres, dans des cercles. Peu importe la chose dans laquelle vous êtes enfermé, il ne faut pas s'enfermer. Et les devises, ça enferme. Voilà. Donc pas de devise. Alors, ce que j'aime faire, c'est parler avec mon invité, puis ensuite retourner sur le Discord et me rendre compte qu'il y a un milliard de questions que je n'ai pas vues, un milliard de choses. Et là, j'y retourne et il y a pas mal de trucs, mais c'est trop dur à lire. Alors, il y a Douglas Wilson qui vous demande « Louison, parlez-nous des yeux dans les bleus ». Ça, c'est... Alors, attendez. Ah, oui. Parce que moi, c'est un film que j'ai jamais vu. Et du coup... Bah, alors, moi, je l'avais jamais vu jusqu'à hier, ce qui est assez incroyable, quand même, honnêtement. Parce qu'après, j'ai réfléchi. Parce que, alors, pour resituer un peu le contexte, en fait, ce matin, j'ai gagné. Voilà, à la surprise de tout le monde, j'ai gagné à ce fameux jeu de la fresque sociale présenté par notre cher ami Kéman. Et en fait, hier, alors voyez-vous, j'étais en train d'essayer de faire un cheesecake. En soi, ça n'a rien à voir avec les bleus, ni les yeux dans les bleus. Mais bref, pendant ce cheesecake, je devais faire monter de la crème fraîche en chantilly. Chose qui n'est pas aisée lorsque nous n'avons pas de batteur. Donc ça prend beaucoup de temps. Mm-hmm. Donc je me faisais chier. Et j'étais en train de écouter la télé, et il y avait un truc sur le match de foot de 98, la superbe Coupe du Monde que nous avons gagnée. Et je me suis dit, tiens, je n'ai jamais regardé ce match de foot, ne serait-ce qu'en rediffusé, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai commencé à me documenter, tout en fouettant un peu ma crème, hein, voilà, et je suis tombée sur les yeux dans les bleus. Et j'ai tout simplement split-screené mon écran de téléphone que j'ai envoyé sur la télé, et j'ai commencé à regarder les yeux dans les bleus. Non, les bleus dans les yeux, je ne sais plus. Bref, qui est un documentaire formidable sur les bleus. J'avoue que j'ai dépassé les 20 minutes et puis après j'ai arrêté, donc je ne connais pas la fin. Mais en vrai, c'était merveilleux, c'était assez intéressant, et ça m'a valu une victoire plutôt inattendu et très surprenante de ce matin. Et je ne regrette pas du tout d'avoir perdu 20 minutes de ma vie hier à regarder ce merveilleux film, quoi. Mais c'est incroyable que excusez-moi, pardon, j'en perds mes mots, mais oui. C'est le genre de choses qui m'est arrivé d'une façon... peut-être un petit peu différente que vous, mais de m'intéresser à un film et que le lendemain, ce film soit le film de la matinale, quoi. Genre 2001, l'Odyssée de l'espace, clairement. Le matin même, j'ai dit « The film, on le regarde ce soir ». 2 heures après, c'était le film dont on parlait dans la matinale, quoi. Mais oui. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, surtout avec la matinale, il n'y a pas de hasard. Alors, Louison, vous qui êtes une auditrice assez assidue, est-ce qu'il y a quelque chose, un moment, une personne, quelque chose qui vous a marqué dans la radio des Boncoins et que vous aimeriez mettre en valeur ce soir? Alors, j'ai deux choses. J'ai le droit d'en dire deux. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors d'abord, je voudrais revenir sur mon anniversaire, qui était quand même vraiment absolument fabuleux. J'ai quand même eu la chance d'avoir le premier anniversaire de tous les autres anniversaires qui ont suivi, donc j'avais l'effet de surprise, tu vois. Oui. C'était vraiment incroyable, j'étais très émue et très contente, et tout en même temps mélangé, c'était vraiment assez agréable. Et la deuxième chose, et ça c'est assez... ça m'embête encore, c'est que ce matin, j'ai un peu loupé le début de la matinale, et donc je ne sais toujours pas qui étaient les invités mystères de la matinale. Et j'ai bugué sur le mec qui est venu en tant que coiffeur, qui m'a fait beaucoup rigoler et qui, je crois, a fait rigoler beaucoup de gens. Mmh. Et j'étais persuadée que c'était quelqu'un. Et depuis ce matin, on n'arrête pas de me dire que c'est Yann. Et je ne sais pas qui est ce Yann. Et je ne suis pas d'accord, ça ne peut pas être Yann. Et je demande plus d'explications. Je n'ai toujours pas pu écouter... le replay de la matinale de ce matin, donc je n'ai pas plus d'explications sur ce Yann, donc je suis un peu sur le qui-vive. Oui, mais je comprends. Donc vraiment, je vous encourage à écouter cette matinale, parce que j'aimerais vous expliquer, mais je pense que vraiment il n'y a pas de meilleure explication que la vérité qui se trouve dans la matinale, qui est en podcast dans les archives, dans nos archives, qu'il faut vraiment écouter. Mais je comprends votre frustration, parce que clairement moi j'aurais été également beaucoup extrêmement frustrée à votre place de ne pas pouvoir découvrir en même temps que tout le monde, clairement, le plus gros secret de Radio Bon Con, le meilleur moment, en fait, la pépite, hein, clairement, ce qu'il ne fallait pas louper. Oui. Je suis ravie que vous partagiez cette frustration. Alors, par contre, je suis un peu déçue parce que je vois que Chloé est en train d'avouer qu'elle n'a pas encore mis le replay. Bah oui, mais c'est pour ça. Non, mais je suis désolée. Parce que je suis une auditrice assidue, mais je suis aussi une internaute assidue. Et j'ai regardé tout au long de la journée s'il y avait cette archive disponible et elle n'y était pas. Alors, il y a Douglas Wilson qui dit « Ophélie parle français, putain ». Je m'excuse, hein, mais... C'est le bois pété. Si on n'a pas d'animateur... C'est celui-là. D'habitude, il y a Julien pour... Oui, il le fait mieux que nous, mais c'est pas... Mais exactement, parce que... D'habitude, je me moque attendez, de Je me dois de partager avec vous. J'ai mis une veste qui n'est pas à moi aujourd'hui. Je viens de retrouver une boucle d'oreille que j'ai perdue depuis une semaine. Je suis ravie. Est-ce que vous pourriez décrire cette boucle d'oreille? Bah, et je peux tout à fait la décrire, car c'est une boucle d'oreille assez originelle, puisque, en fait, c'est un... Alors, comment je pourrais... Il y a la tige normale qu'on met dans le trou de l'oreille, et puis il y a un petit anneau, mais en fait, il est suivi de cinq petits... En fait, c'est un espèce de bijou qu'on met en haut, et ça fait un gros bijou d'oreille de cinq anneaux qui ont des tailles différentes, plutôt décroissantes. Enfin, c'est un ornement, quoi. Et bon, malheureusement, j'ai cassé 3 des 5 anneaux, donc il n'y a plus que 2 anneaux, mais ça reste quand même une boucle d'oreille assez originelle que je suis vraiment contente de retrouver, et ça me fait plaisir, voilà. Est-ce que vous pourriez nous envoyer peut-être une photo, parce que malgré votre description qui était superbe, hein, j'ai rien compris. je peux vous envoyer une photo, pas tout de suite, si tout de suite. Louison, tout à l'heure, on a eu la chance d'écouter Feliz Navidad. Oui. Clairement, c'était peut-être la chanson que j'aurais dû garder pour la fin. Peut-être. Même sûrement. En fait, en la réécoutant, je me suis dit, merde, j'ai raté un truc là. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de comment ça s'est passé, cet enregistrement, quoi? Oui, je peux vous parler de comment ça s'est passé, puisque c'était une organisation très, très précise, très carrée, puisqu'il était à peu près 4h du matin au deuxième étage du 65 boulevard Joliot-Curie. Et encore, quand je dis 4h du matin, je pense qu'il était plutôt 5h du matin, puisqu'il me semble que ce soir-là, j'ai vu les 8h du matin sur mon téléphone. Bref, soi-disant passant, nous avons perdu Teiwara dans la bataille de Koh Lanta. On était très déçus. Très très déçu, très très triste, un peu énervé. Ensuite, on a fait une partie de Jungle Speed qui s'est plutôt mal déroulée, pour être très honnête, même si j'ai quand même gagné à la fin. Bref. Et donc, je sais pas pourquoi, je sais pas comment d'ailleurs, on s'est retrouvé enfermé dans la chambre de Cola à vouloir enregistrer ce oups sur Feliz Navidad de notre cher José Feliciano, qui est désormais le père spirituel de votre chère Souk. Je pense qu'elle pourra vous en dire plus à propos de ce José. Bref, et notre cher Bobo, qui est maintenant rebaptisé Hob Hob en ces temps de vendredi soir, s'est improvisé chef d'orchestre. Et alors, il fait ça à merveille. C'est quelqu'un qui est né pour ça, finalement. C'est un don qu'on découvre. Vous voyez, vous, le confinement a du bon. Pour plein de gens, et notamment pour ce fameux Hob Hob. Et nous avons fait 2 prises, et figurez-vous que la deuxième était absolument merveilleuse. Je crois qu'on n'aurait jamais pu en faire une meilleure. On a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré, et c'était super. Vous avez pleuré. Ah oui, pleuré de rire. Ah, je pensais que vous aviez pleuré d'émotion par la qualité de la chanson que vous aviez. Ah bah après, en la réécoutant, oui, parce que maintenant c'est devenu officiellement mon réveil. Ah. Je ne vous cache pas que je ne mets pas beaucoup de réveils ces derniers temps, mais bon. En tout cas, elle m'émeut à chaque fois que je l'entends. Ah, pour les moments, pour les jours où il faut vraiment se réveiller. Alors, vous savez que... Et je viens de recevoir une chanson. Une chanson qui... Enfin, je viens de la recevoir, je ne viens pas de la recevoir, mais je viens de l'ouvrir et je vais la diffuser. Écoutez, je vais la diffuser, mais je reste avec vous, Louison. De toute façon, le temps que j'arrive à la trouver pour la mettre, hop, hop, comment elle s'appelle ? Ah, elle s'appelle, hop là. Je la lance et puis je vous retrouve tout de suite. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Non, non, non, non, non, non. Tant de blagues faciles, d'un vrai puéril. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec toi? Non, non, non, non, non, non. Ouais, à n'importe quel oups pour nous faire sourire. Directrice des programmes, parce qu'on est confinés. On écoute la radio. Si y'a un point conf avec Ophélie Souko, parce qu'on sait jamais. Y'a un point pété. Tu prends de nos nouvelles avec ta belle voix. Grâce à toi, on reste ensemble. Confiné à Agen, tu es pourtant là pour partager ta joie. Parce qu'on est confiné. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Pour écouter Point Conf avec Ophélie Souko. Avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. Si y'a un point pété. Et alors on fait des chroniques pour nous aussi t'amuser. On fait des oups dégueulasses et on écoute Christophe Maé. Parce qu'on est confiné. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Si on est confiné, au moins il y a Ophélie Souko. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Si y'a un point pété avec Ophélie Souko. Si y'a un point con. Parce qu'on est confiné. On avec écoute la radio. Avec Ophélie Souko. Merci Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. Si y'a un point pété. On est avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. On écoute, on écoute, on écoute la radio. Merci Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. On jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Merci Ophélie Souko. On est confiné. On écoute la radio. Et on reste connecté. Merci Ophélie Souko. Alors clairement, je suis émue, je suis extrêmement émue par la chanson que j'ai entendue, que j'ai très envie de réécouter. Théro, waouh, je suis un peu comme Chloé ce matin qui n'arrivait plus à parler après la chanson que Kéman a écrite, mais franchement, elle était ouf. Souk, Souk, vous êtes avec moi ? Je suis avec vous, mais surtout avec Théro. Enfin, devrais-je dire Théro Maé. Vous avez dit « fait la première partie le 24 octobre », mais est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça veut dire ? Ben, le 24 octobre se produit un artiste exceptionnel, vraiment le meilleur artiste français, dont le nom est Christophe Maé, Christophe Maoff, Christophe Martichon, le vrai roi soleil, si tu veux mon avis. Et donc, il n'y a pas de première partie réellement, hein, Christophe Maé. Donc, je pense que Théro pourrait totalement balancer sa candidature et faire Christophe Maé en première partie. Alors, j'ai hâte de l'entendre sur On s'attache. Franchement, Théro, je vous remercie parce que c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable ce que... le moment d'écoute... En plus, c'était, enfin, avec toutes les voix, c'était vraiment Christophe Maé, quoi. C'était franchement Souk, vous êtes une fan. C'était génial. Alors Souk, c'est pas votre première fois dans le point pété, disons. Comment ? C'est pas votre première fois dans le point pété. Bah non, c'est pas ma première fois. Vous êtes pété comment ? En fait, je me suis pris une... Tu le sais, toi, mon souk. Bien sûr, je me suis pris une grosse pétée plutôt dans la semaine, donc je t'avoue que ton souk est un peu diminué, tu vois. Ouais. Donc là, je suis pétée, allez, disons, à 4 sur 10, 5 sur 10. Ah, ça va. Oui. Bon, moi, je t'avoue, souk, que vu qu'il y a le direct, là, je peux pas trop aller me reprendre une petite bière. Puis en même temps, je me dis, vu comment je suis un peu pétée... Peut-être pas reprendre une petite bière. Attends, c'est le point pété, t'oses pas te reprendre une bière ? Bah oui, mais en même temps, Souk, faut que j'assure la fin de l'émission. Déjà, là, j'arrive à faire la technique. J'arrive pas trop à parler, mais j'arrive à faire la technique. C'est comme si Chérie FM se demandait est-ce qu'on a déjà passé 3 singles de Christophe Maé, on sort un petit 4e, tu vois. Évidemment qu'ils vont le faire. Putain, mais après, il y a Lara Fabian. Et il y a Lara Fabian, puis il y a Pascal Obispo aussi. Alors, par contre, dans les trucs que j'ai prévus, Souk, tu vas te régaler. Oh putain, je vais me régaler. Enfin, tu vas te régaler, mais également nos auditeurs vont se régaler. Avant d'écouter une autre chanson, parce que Souk, ça fait pas très longtemps quand même que je t'ai en ligne, est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse pétée ? Ma plus grosse pétée ? Ma plus grosse pétée ? Ma plus grosse pétée. Et sincèrement, je pense que c'était il y a 2 jours. Mais non. Mais j'ai failli casser ma télé. En me bagarrant. Donc, je pense que non, ma plus grosse pétée. Est-ce que vous pourriez raconter à nos auditeurs ce qui s'est passé avec vos voisins ? Oui, bien sûr. Alors attendez, je vais rentrer à l'intérieur pour éviter que les 10 voisins m'entendent. Alors attendez, hop. Alors attendez, on va vous entendre en bac. Excusez-moi pour tous les auditeurs, hein, c'est la logistique de la radio des bons cons. Hein. Donc en gros, on a prévu avec Elian, donc mon grand bon con de frère, de faire un petit apéro sympathique. Rendez-vous 20h30 sur Skype. Donc, on s'ouvre des bières, on s'ouvre du vin. À 4h du matin, on commence à rigoler, à parler hyper fort. Je reçois un premier message sur l'application d'élation de mon immeuble. Oui, vous pourriez baisser le son, SVP, j'arrive pas à dormir, venant de mes voisins qui foutent le bordel tous les soirs. Donc, je dis, bon, on se la joue cool, vas-y, on baisse un petit peu le son, hein. Bon, fin de l'apéro, sauf qu'avec François, on continue à faire un petit peu la fête. On commence à parler, et je ne sais plus comment. On commence à se dire, vas-y, on va voir qui c'est le plus fort à la bagarre. On commence à faire un petit peu de bagarre au milieu du salon. Donc ça fait pim, pam, poum dans les murs. Et là, à un moment, malencontreusement, la télé se pète la gueule contre le mur. Donc, autant vous dire que le mur a résonné et que puis, à ce moment-là, je reçois 2 vibrations de mon téléphone. Je me dis, les créateurs, fille. L'application d'élation. Ma voisine d'à côté qui fait, bonjour, c'est vous qui faites tout ce bruit parce qu'on entend plein de trucs depuis tout à l'heure. Je me dis que c'est chaud. Oh, j'ai merde, François, on a peut-être fait un peu trop de bruit. Et là, juste après, on reçoit un message général, donc que tout l'immeuble a vu. Oh, voisin qui fout le bordel à 4000 ans, vous arrêtez! Il y en a qui bossent! Et là, on se dit, oh, pizza, et je crois qu'on a fait un petit peu trop de bruit. Sauf que, miraculeusement, j'arrivais encore à écrire. J'arrivais à faire une orthographe parfaite. Donc, j'ai dit, oh, c'est vrai, franchement, non, c'est pas nous, nous aussi, on l'a entendu, on est inquiets, qu'est-ce qui se passe? Et on a répondu à la dame, bah, franchement, du 7e étage, on entend aussi les bruits, c'est trop bizarre, nanana. Sauf qu'en fait, ça allait un petit peu loin parce que, ouais, la dame, à Cynthia, l'appartement du dessous. Et sauf que ça allait un petit peu loin parce que, juste après, ils ont commencé à mener une espèce d'enquête, genre, ça se rapprochait un peu trop vers nous, tu vois. Parce que les voisines du dessus, les coupables parfaites, elles ont dit, bah non, on est infirmière, on bosse toutes les deux, là, on n'est pas chez nous. Là, on a fait merde, l'étau se resserre, tu vois. Du coup, bah, on a brouillé un petit peu les pistes et tout, et donc, c'est parti sur, on soupçonne les gens du 6e. C'est pas nous. Donc voilà. Waouh, mais cette application, mais... c'est très bien pour savoir des trucs, mais c'est horrible pour ça, parce que tu peux plus vivre ta vie en paix, en fait. Oui, mais en fin de compte, tu t'en es bien sorti. Bah, et franchement, je te jure, heureusement. Heureusement que j'arrive encore à écrire. Et c'est le plus important, Souk. It's the most important thing. Ah bah oui, bah, ça c'est clair. Bah du coup, ta plus grosse pétée, c'était il y a deux jours, quoi. Bah, en fait, au milieu de l'apéro, j'ai vomi. Et après, je suis revenue pomper up avec les larmes aux yeux. You got to know, pomper up. Non, mais j'en ai tellement des grosses pétées. Si, il y avait... Ah ben non, mais non. La pétée de l'abribus, avec Louison et Laura. Et Mémé, on a rencontré les flics. Alors, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. où on s'est fait arrêter par les flics, très clairement, et qu'ils nous ont dit, bon, vous rentrez, vous arrêtez vos conneries. J'étais cachée dans un bus en train de vomir. Et là, les flics s'arrêtent, et moi, je reviens, je crois que je suis sobre, alors que je suis pétée comme un cul. Et je me prends l'abribus. Et je dis aux flics, alors, messieurs, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, Souk, vous prenez l'abribus? Oui, bah en fait, j'avais une gestion de distance. Vous avez fait une petite... Enfin, moi, je vous imagine un peu à la Nathalie, quoi. J'ai clairement fait une Nathalie. Genre, qui c'est qui m'a tapé? Qui c'est qui m'a tapé? Qui c'est qui m'a tapé le crâne? C'est qui m'a tapé? Oui, il m'a tapé. Non, mais ça, c'était une très grosse pété, mais il y a aussi, franchement, la pété que j'oublie, mais que... qui était quand même vraiment là, la pété de Christophe Maé. C'était une sacrée bonne pété. La pété de Christophe Maé, franchement, sortie du concert 21h, ressentie 5h du matin. Hein. Oh, putain, c'est vrai. J'avais oublié ça, le concert a commencé à 18h. Ouais, c'était... Franchement, bah, c'est pour ça, les bons coups, on venait tous avec Christophe Maé, je vous jure que c'est mieux qu'un macadam un samedi soir. On ressort de là, on est frais pour le lendemain matin, quoi, pour aller bosser. Exactement, enfin, c'était un peu dur, mais franchement, mais c'est très bien, c'est parfait. Moi, je vous conseille à tous. Souk, vous avez vomi combien de fois pendant le confinement? Deux fois. À cause de l'alcool? Bah, malheureusement, quand tu sais que t'es libre le lendemain, que tu n'as pas à travailler et puis que tu peux profiter de ton week-end, C'est tragique, mais véridique, malheureusement. Et puis, avec le confinement, on ne sait plus vraiment, avoir une bonne gestion, en fait, des pétés. Mm-hmm. Enfin, moi, je trouve, tu vois. Souk, je vais vous laisser... vous m'avez proposé un sacré bon marché sur Messenger. Et donc, je vous ai répondu... positivement, j'attends donc votre réponse. En attendant, on va écouter une petite musique, hein, tranquillou, le temps que j'appelle mon prochain invité. Et je vous remercie, vous faites des énormes bisous. Et bah, très bien, mon souk, puis je me connecte et puis je vous donne le Graal. Yes! Salut, souk! Ça va être super! Jamais je n'aurais pensé tant aimer la pété. Je me sens toute bourrée, que mes potes me disent ralentis, inquiétez fou. Je me sens trop badour. J'aime la pété, la répété, la pétoune de la soirée, la pétade après souper. J'aime la pété. Stop, un instant, j'aimerais que la pété dure pour l'éternité. Je ne suis que pété. Il paraît qu'après quelques temps, péter ça faiblit. Pas toujours apparemment. Des bons cours m'avaient dit de ralentir. Péter des beaux jours. Je t'attends mon amour. J'aime la péter. La bonne péter. La pétouse de la soirée. La pétade, la pré-souper. J'aime la péter. Oh, stop, un instant. J'aimerais que la péter dure pour l'éternité. Je ne suis que péter. Vous êtes bien évidemment toujours sur dans le point pété sur la radio des bons cons, et je suis maintenant en ligne avec quelqu'un que qui est assez mystérieux, mais on a réussi à avoir son numéro de téléphone, et je remercie les personnes qui m'ont aidé, hein, bien sûr, à obtenir ce numéro. Nous sommes en ligne avec Roux Patrice. Bonjour Roux Patrice. Hello guys. Salut capitaine, c'est Roux Patrice. Alors Roux Patrice, il y a un mystère qui dure depuis quelques semaines, je dirais. Qui êtes-vous? Je suis Roux Patrice, tu viens de le dire. C'est mon nom, Roux Patrice. Mais à qui? Je suis le Roupol français. Mais comment connaissez-vous les bons cons? Comment êtes-vous arrivé en fait? Quand le confinement a commencé, moi je cherchais à monter en quelque sorte une troupe, et j'ai cherché à découvrir de nouveau de nouvelles personnes qui soient susceptibles de comment dire d'être des travels, et donc Par mes recherches, Google et autres recherches, je suis tombé sur cette confrérie des bons cons, et j'ai vite compris que beaucoup des membres de cette confrérie avaient le potentiel pour devenir des traves, des drogues. Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. J'avais oublié, merci. Est-ce que vous auriez déjà repéré quelques personnes? Est-ce que vous auriez quelques noms à nous citer? Alors, le premier qui viendrait à l'esprit, c'est Colin, bien sûr. Colin, je pense que quand on le regarde comme ça, on l'imagine avec des plumes dans le rectum, et on se dit, lui, je serais un bon drague. Je pensais à Théro, c'est ça? Oui. Théro, je pense qu'il pourrait être un bon troll. Il y a celui Doug. Mm-hmm, oui. Douglas Wilson. lui, il a fait le galbé en plus, alors pour faire certains. Je pense que ça pourrait être une bonne chose de l'avoir. Et puis il y a aussi Bobon. Oui. il est très très très viril, mais en travaillant bien, on pourrait en faire un. Alors, il pourrait servir comme danseuse, quoi. Mm-hmm. Alors, Roux Patrice, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de vous? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? J'ai commencé, moi, à la base, j'étais jardinier. Donc, je jardinais, excusez-moi, il y a mes voisins qui arrivent à côté, ça m'agace un peu. Je jardinais, je me suis dit, je sais pas comment finir cette phrase. Alors, excusez-moi, j'ai un peu vu. Je vous sens un peu perturbé. Ça m'émeut parce que j'ai pas eu un parcours facile, alors ces questions vous me posez, j'ai pas envie. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de répondre, Roux, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, sur la radio des bons cons. Je vais vous poser d'autres questions, peut-être qui vont être plus faciles pour vous. Hein. Comment avez-vous fait pour si bien capter l'humour de Radio Boncon? Parce que quand on vous a découvert, bien sûr, sur le Discord, hein, et vous avez tout de suite su poser les bonnes questions. Ah, c'était de l'humour? Oui. Mais moi, j'ai jamais voulu rire, c'est sérieux ce que je fais, madame. Je suis un artiste, moi. Oui, bien sûr, mais comment avez-vous capté cette essence de Radio Boncon? Enfin, des Boncon en général. Cette essence? Oui. Mais enfin, ça sert à rien, on est confiné. Pourquoi tu voudrais prendre ta bagnole, là? Et pourquoi est-ce qu'un petit accent de ville d'Afrique du Nord, d'ailleurs? Ça non plus, ça sert à rien. Qu'est-ce que... Bon... Roux Patrice, mais c'est vous qui savez plus quoi dire, non mais oh, monsieur Roux Patrice, c'est vous qui êtes mon invité, non mais oh. Moi, si je veux raccrocher, je coupe le son direct, ou je vous fais avoir une... Ah non, s'il vous plaît, c'est vous le temps de devoir, laissez-moi parler encore. Alors, Roux Patrice, vous connaissez le Discord, bien sûr, vous êtes né sur le Discord, il y a des questions pour vous, je crois. Laissez-moi regarder un petit peu. En fait, moi, je m'étais mise tranquille sur le canapé en mode on va avoir une super conversation avec Roux Patrice. Ben non, Roux Patrice, il casse les couilles. Oh, bon, vous êtes pas très sympa. Hein. Mais c'est vous qui n'avez pas, pas de couilles. Mais qu'est-ce que je casse? T'as pas de couilles. Ta gueule, Roux Patrice. Roux Patrice. D'accord, merci. Ça fait quoi de venir du 49? Je viens pas du 49, je viens du 85. Vous êtes vendéen? Oui. Enfin, ça dépend. Non, je suis pas né là-bas. Je dis juste, j'en viens là. J'y étais tout à l'heure. Mais, donc vous êtes de quel... Vous venez d'où exactement? Je viens de Californie. Ah bon, quel... Est-ce que vous... explique mon accent? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous préciser la ville? La ville en Californie, oui. New York. New York, ok, très bien. New York, quelle rue? Rue Paul. Alors, je regarde tout de suite sur Google, Californie. Alors déjà, il n'y a pas de ville qui s'appelle New York en Californie. Est-ce que vous ne seriez pas un petit menteur, Roux Patrice? Ah oui, t'as confondu avec mon cousin. Oui. Bon, franchement, Roux Patrice, vous êtes drôle sur le Discord, mais vous êtes pas drôle dans la vraie vie. Alors là, franchement, c'est un mensonge que tu me dis, parce que il se trouve que je suis avec des gens qui écoutent ta radio de merde, là, et ils ont l'air de bien trouver ça marrant quand même, hein. Roux Patrice, qu'est-ce que vous avez pensé du Feliz Navidad? Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. On sentait que c'était une chorale amateur, mais ils ont vraiment essayé de faire mieux les petits, et puis ben c'est déjà bien, ça me fait plaisir de voir ça. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter des hoops, en fait, Roux Patrice, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a lancé un concours de Oops avec la chanson Oops, I Did It Again de Britney Spears. Vous aimez cette chanson? Enfin, vous connaissez cette chanson? Oui, c'est le truc qui fait Feliz Navidad. Je connais ça. Oui, presque. Eh bien, je vous propose de commencer l'écoute des différentes musiques qui des personnes qui ont tenté de jouer. Et je vous remercie, hein, Roux Patrice, d'avoir participé à cette émission. Bah, écoute, moi je te remercie aussi. Hein. Ça fait plaisir que tu me donnes une sorte de tribune, quoi, pour un. Si je m'adresse là à tous les auditeurs, s'il y en a qui sont intéressés pour faire des spectacles, des shows, quoi, des chants ou des froids d'ailleurs. Je propose que tu leur laisses mes coordonnées ou que vous leur laissiez mes coordonnées. Bah, allez-y, hein. Vous pouvez. Je verrai avec Adéco. Je travaille avec Adéco d'habitude, mais bon, en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. C'est le confinement aussi. On essaie d'organiser des spectacles, mais. C'est pas facile, hein. C'est dur, justement. C'est pas que c'est pas dur. Tu m'écoutes toujours ou tu es endormi à l'autre bout du micro? Je vous écoute, je vous laisse parler. Je précise, je me rends compte en parlant, lui doit avoir au moins 80 ans. Ça rend les choses d'autant plus difficiles, crois-moi. Parce que, bon, bah, des drag queens, déjà, c'est confidentiel, mais quand on a 80 ans, en plus, en ce moment, moi, je fais la tournée des EHPAD avec des gens, mais bon, bah, là, en ce moment, on y vit. Des gens, il y en a la moitié qui sont morts, bon, bah, c'est comme ça, mais. Pas de temps pour la pitié, c'est le point pété. Allez. Je vous propose, Roux Patrice, soit d'envoyer votre numéro maintenant, soit de vous taire à jamais. Bah, j'enverrai mon numéro, puis je vois bien que t'en as rien à foutre de toute façon de ce que j'ai, hein. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ta radio, tu t'en fiches de ma souffrance. Mais non, Roux Patrice, arrêtez, on vous a laissé la parole. Non, mais j'ai bien compris, tu t'en fous. De toute façon, moi, je vais bientôt me retrouver au chômage et de recommencer à faire du jardinage. Et puis plus tard, bah, en ce moment, le jardinage, ça marche pas trop bien non plus, quoi. Roux Patrice, Radio Boncon a un potager et justement il y a une place qui s'est libérée juste pour vous. Bon, moi, attends, je suis désolé, je te réponds pas, je m'écoute sur Radio Boncon. Ah, c'est ça, quand on s'écoute, hein, on n'entend plus les autres parler, puis on s'entend plus soi-même parler. Ah, bon, allez, ta gueule, Souk. Non, d'où ta gueule? Toi, ta gueule, non, François. Non, pas ta gueule. Toi, ta gueule. Ta gueule, gueule. Bon, allez, on commence le... Bon, je vous embrasse, Roux Patrice. Je suis désolé, je vous mets en mute. Ouais, tiens. Bah, tant pis, à plus. Hein. Au moins, salut, je vous préviens. Salut à tous. Au moins, je vous préviens. Bisous et joyeux Noël. Finis Navidad, hein, comme on dit, hein, en Angleterre. Alors... Maintenant que Roux Patrice est en mute, on va commencer, hein, pour le concours des Oops. Bien sûr, Feliz Navidad est hors compétition, et qu'est-ce que vous croyez? C'est pas la bonne chanson. Ça fait pas partie, enfin c'est normal, enfin, sinon j'aurais dit c'est un Oops chanson libre. Bah non, là c'était pas un Oops chanson libre. C'est parti pour les Oops qui sont bien sûr Oops I Did It Again. Loneliness is killing me, and I must play with your arms. Got lost in the game. Oh, baby, baby, oops, do you think now in love? That's it from above. I'm not that innocent. It's been my problem with this. I'm dreaming away. Yeah. But wait a minute, isn't this? But I thought the holiday dropped into the ocean at the end. Aww, you shouldn't have. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Oops, you think I'm a saint from above. I'm not that innocent. I play with your heart. Get lost in the game. Oh baby, baby, oops. You think I'm in love that is sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I play with your heart. Get lost in the game. Oh baby, baby, oops. You think I'm in love that is sent from above. Vous êtes toujours dans le point pété sur la radio des bons cons et on va continuer d'écouter les oups. Les oups, I did it again. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause you lose all my senses. That is just so typically me. Problem with this, I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I buy what it is, but you see all the fools in so many ways. Britney, avant que tu partes, j'ai quelque chose à te donner. Oh, c'est joli, mais attends, est-ce que c'est pas... Si, ça c'est ça. Mais je croyais que la vieille avait balancé dans la flotte. Ouais, mais chérie, j'ai été le chercher pour toi. Oh, t'aurais jamais vu. Oh baby, baby, ooh, do you think I'm in love? And I'm still- oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby, yeah. Oops, you sing that I'm sent from above. Oops. 1, 2, 3, 4. Oops, oops, oops, oops, oops, oops. Oops, oops, oops, oops, oops, oops. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Good to all my senses, that it just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, and this is from above. And not my innocence. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing the heroes that truly exist. I cry watching the days, can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, ooh, ooh, I did it again. I played with your heart, got lost. Alors là, je reprends l'antenne juste pour dire que j'ai oublié de faire cette partie. Du coup, s'il y a un silence, c'est normal. To lose all my senses, Daddy just so piquilini. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, I do think I'm in love. That I'm sent from above. I'm not that innocent. You see my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, oh, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. That I'm flammable, I'm not that innocent. Patrick Bacani. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All aboard! Britney, before you go, there's something I want you to have. Oh, it is beautiful, but wait a minute, isn't this? Yeah, yes, is it? But you thought about the... Well, baby, I went down and you got it for you. Oh, you shouldn't have. Oops, I beat it again. To your heart, got lost in this game. Oh baby, if you think that I'm sent from above, I'm not that innocent. Oh merde, j'ai pas dit. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, if you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played with your heart, got in the game. Oh baby, baby, if you think I'm in love, that I'm sent from above. I am not that innocent. Waouh, c'était particulièrement incroyable ce qui vient de se passer sur Radio Boncon. Allez bien vous faire enculer tous ceux qui sont en train de dormir et qui ont loupé ça. On va voter pour le meilleur Oops, I did it again. Déjà, on va décider comment on fait pour voter, parce que je sais pas comment on va faire. Je vous mets le premier oops de tous les oops pour qu'on ait le temps de réfléchir tous ensemble, parce que franchement, à 3h24 du matin, il nous faut du temps pour réfléchir. Tell me something, girl. Are you happy in this mother? Alors, c'est pas du tout ça que je voulais mettre. Je voulais pas du tout mettre ça. Du coup, je vais mettre la chanson que Louison m'a demandé. Are Tiens, Kabyle, la voiture rouge. Avec les cousins blindards, ils sont plus forts que Scotland Yard. Néné, Kabyle, la voiture rouge, sont venus faire l'enquête. One time, attention les vedettes. Three time, Néné, Kabyle, la voiture rouge, sont venus faire l'enquête. One time, et maintenant c'est la fête. Oui, bien. À la station Barbès, il y a des sirènes. Moi je n'ai pas de stress, je dis bonjour, elle est baisse. C'est comme plus belle la vie, tout le monde il est gentil. De midi à minuit, il y a toujours une épicerie. Oh oui, Néné, Kabyle, la voiture rouge, sont venus faire l'enquête. One time, attention les vedettes. Three time, Néné, Kabyle, la voiture rouge. Bonjour mademoiselle, t'es jolie, t'es belle. La dichuvu du miel, mais comment tu t'appelles? Viens dans mon studio, je te fais des photos. Clic-clac, j'ai fait du thé bien chaud pour toi avec des petits gâteaux. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Avec des petits gâteaux. Oh, oh. Bon bah vous êtes toujours sur la radio des bons cons, j'ai raté ma transition, je voulais mettre une autre chanson, mais clairement j'ai raté. Donc il vous reste un peu de temps pour aller voter, Oui, il faut aller voter sur l'onglet, vous allez sur le Discord de Radio Boncon et dans le salon Rêve Matinal, vous avez de quoi voter et vous pouvez voter pour Chloé, Théo, Typhon, Ophélar ou Doug. Voilà, allez-y. En attendant, on va écouter une petite musique. Il faut juste que j'arrive à mettre la musique que je veux. Je voulais mettre un truc, mais j'ai raté. Du coup, ça me fait chier. Donc, hop, ah, c'est bon. Je suis fatiguée, je t'ai regardé dormir. Si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire tes pinkos, adieu, je peux te baiser de nuit. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. S'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. S'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux.

Julien est pété. Il a les yeux qui louchent. Il fait non de la tête, mais il a les yeux qui louchent. Ah bah non, bah on est de retour en direct hein, sur faire. Radio Bon Con, c'est pas grave. Enfin, si, tu peux lui dire merci d'avoir passé Dadju. Je te fais confiance. Tu peux repasser Dadju, mais la version vraie. Fais pas semblant. Alors. Je vais prendre le reste. Je suis désolé, hein, c'est vous. Je sais que c'est de la pollution auditive. C'est hein, pas grave. Alors, écoutez, c'est les dernières minutes du point pété parce que je suis un peu fatiguée. Je vais aller me coucher. Donc, si vous avez des demandes, faites-les tout de suite. Je vais essayer de les. C'est la reine, si elle pouvait passer. C'était tout le monde à l'accident. Donc, Catherine. Attendez, oui. Attendez, pas trop. Vous m'avez déjà demandé Dadju. Non, pas Dadju. Alors, si je peux émettre mon opinion en tant que celui qui est interviewé, je préférerais le témoin de l'accident. Mais ah oui, c'est posez vrai. Posez vos questions. Quoi, moi? Mais vous, parce que vous êtes. Vous allez me dire quelque chose, vous êtes directrice des programmes. Qu'est-ce que vous pensez du Harlem Shake? Attendez, qui pose des questions? C'est vous. Bah, est-ce moi, que c'est moi? Moi, ma question, c'était qu'est-ce que vous voulez entendre? Que voulez-vous écouter sur Radio Bon Con avant d'aller se coucher? Bah, écoutez, je vous avoue que j'avais une petite musique en réserve pour le cas où nous vous faisions une petite spéciale directrice des Bon Con. Comment ça s'appelle? Oh. Et du coup, j'ai pas envie d'attendre. Donc, est-ce que je peux, on peut discuter l'un l'autre ensemble jusqu'à ce que vous receviez cette musique. Oui. Et que vous la passiez, c'est vraiment une spéciale pour vous. C'est parce que je vous aime et que parce que. Attendez. Je me suis pété la gueule pendant. Quasiment 4 jours sur 7. Mais est-ce que vous parlez de la chanson que vous m'avez déjà envoyée peut-être? Non, c'est une nouvelle. Mais non, vous déconnez, vous avez fait 2 chansons. Oui, j'ai fait plusieurs chansons pour vous. Vous foutez de ma gueule, monsieur Richard. Non, je ne fous pas vos gueules. Vous êtes incroyable. Oh là là. Mais en réalité, j'ai fait plein de chansons pour vous, mais là, je vous envoie celle-ci en plus. Mais oui, il y a eu tout un truc. En réalité, vous savez, en fait, je me suis bourré la gueule autant de fois que j'ai créé une chanson pour vous, dans le doute de tomber dans le point pété. Mais non. Et du coup, j'ai un petit stock hein, quand même de oups. Écoutez, parce que je ne sais jamais. Et le problème de ma forte alcoolémie que je vous ai parlé aujourd'hui dans le point pété, c'était que en fait je savais jamais. Enfin dans le point conf, c'était que je savais pas quand serait le point pété. Et je me disais si jamais le point pété tombe, il faut que je sois pété. Bah oui. Et donc j'étais pété. Quasiment tous les jours. Quasiment, hein, parce qu'il y avait quand même un jour ou deux où j'étais tranquille. Bah écoutez, moi je dois vous dire que j'étais pas hyper OP pour faire un point pété aujourd'hui parce que j'étais un peu malade. Bah je sais, on vous a un peu amené à ce point-là. C'était une technique. Alors qu'est-ce que je vous ai envoyé? C'était Christophe Maé, c'est ça? Oui. Écoutez, est-ce qu'on va faire. Théo, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une petite musique en attendant. Oui, comme ça, je peux vous envoyer. La musique tant désirée par Madame Chloé. Et puis en attendant, vous avez le temps de trouver la vôtre. Ça me va, tout de suite, chers auditeurs. Merci de rester avec nous malgré la... Parfait. Merci à tous de rester avec nous. Merci malgré la qualité de ce programme.

m'empêcher de lui dire à quel point. Ophélie, nous on t'aime. Ophélie, on pense à toi. Le confinement avec toi, c'était de la folie. On se retrouve bientôt tous. Sèche tes larmes. Ophélie, nous on t'aime. Ophélie, on pense à toi. Le confinement avec toi, c'était de la folie. On se retrouve bientôt tous. Sèche tes larmes. Elle a essuyé les larmes de ses joues, et soudain dans son cœur, on s'est donné rendez-vous. Que m'importe le déconfinement aujourd'hui, c'est toujours Ophélie qui fait chanter ma vie. Ophélie, nous on t'aime. Ophélie, on pense à toi. Le confinement avec toi, c'était de la folie. On se retrouve bientôt tous. Sèche tes larmes. Ophélie, nous on t'aime. Ophélie, on pense à toi. Le confinement avec toi, c'était de la folie. Ophélie, nous on t'aime. Ophélie, on pense à toi. Le confinement avec toi, vous êtes en direct, mais franchement, c'était incroyable. Alors, cette chanson, c'est... Alors, franchement, je suis... J'ai pas les mots. Théo, vous êtes avec moi ? Oui, je suis avec vous. Attends, je vais m'éloigner parce que j'ai un écho dans le passé. Je ne sais pas comment vous remercier pour les chansons que vous avez faites, qui sont, elles sont clairement mais incroyables. Mais saviez-vous que Dave avait fait une chanson qui s'appelait Ophélie ? Ah bon? Parce que je l'ai pas inventé. Genre, pour cette dernière version, j'ai tapé Ophélie sur YouTube et c'est Dave. Ah putain, mais moi je connaissais. Et Dave a fait une chanson qui s'appelle Ophélie et c'était vraiment Ophélie. Putain, je la connaissais pas celle-là. Je connaissais la chanson de Michel Polnareff qui fait. Ophélie n'est jamais seule dans son lit, toujours besoin de nouveaux amis. En plus de tous les animaux du zoo et du gardien, sa femme et son chien. En gros, Ophélie est zoophile et baise avec tout le monde. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu chanter celle-là, j'avais envie de raconter une nouvelle facette de vous. Oh, merci, franchement, mais c'était vraiment incroyable. Et je suis très heureuse de conclure ce point pété là-dessus. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, vu que vous êtes plein de surprises. Oh mon dieu, j'ai l'impression qu'il va falloir que je parle pour toujours maintenant, parce que je vois surtout pas que ce point pété se conclue. Bah. Que dire de plus, honnêtement Ophélie, vous avez enjoué mon cœur pour toutes ces années à venir. S'il y a une grande tristesse qui est survenue pour nous, vous avez su pallier à ça et nous rassembler dans l'absence, et ça a été peut-être honnêtement, aujourd'hui, le moment le plus grandiose des bons cons, ça a été cette création de la radio. Et je vous en remercie pour toujours. Attendez. Votre sœur à côté vous dit qu'elle vous aime, elle m'écrit dans l'oreille qu'elle vous aime d'ailleurs. Si vous avez un tampon en rab, je le prends parce que Chloé vient de défoncer un des miens. Attendez, je vous assure que Radio Boncon n'est pas fini. Nous sommes le 9 mai et Radio Boncon va résister encore une semaine. Il reste une semaine de Radio Boncon à profiter. D'accord ? Pardon ? Il nous reste une semaine de Radio Boncon. Une semaine, bah c'est super, ça me laisse le temps de faire encore à peu près 36. Oups. C'est clair. Sachant que moi j'en fais à peu près un par jour, du coup, si moi j'en fais 7. Moi aussi, ça me réjouit chaque jour de me dire, bon, aujourd'hui je me lève et je fais un oups sur quelque chose. Et les deux que je vous ai balancés aujourd'hui, je devais vous les balancer, pas aujourd'hui, mais je me suis dit, ah, pff, bah, franchement, j'étais un point pété. Je vais les réécouter. Je vais remettre le premier qu'on avait mis tout à l'heure. Et si, je m'attendais tellement pas à ça. En plus, c'est ouf. Je vous embrasse, Monsieur Théo. Je vous embrasse d'autant plus. Et je vous aime. Encore et je vous aime, Ophélie. Et je vous aime tous les bons coups. Ophélie, je vous aime. Putain, je savais pas que Dev, il était amoureux de moi. C'est ouf. Je vous embrasse et je vous dis... Théo, je vous souhaite une superbe soirée en compagnie de je vous personnes. Souhaite une superbe soirée. Cher bon... Je vous aime profondément. Vous êtes ma cousine préférée. Oh. Quoi qu'il en dise de Chloé Soulard, elle peut être jalouse si elle le souhaite. Mais c'est la préférée de mes deux. Oh. Je vous embrasse. Bisous, chers auditeurs, à qui bientôt. Est encore avec nous. À bientôt, chers auditeurs, à bientôt, Ophélie, à bientôt. À bientôt, okay. Radio Boncon. Sachez que les temps est bientôt réservé pour la fête, la grande fête. Yes. Et que ce sera la première édition du Festival des Boncons. Oui. Et que ça va être quelque chose de grandiose. On est en train de travailler dessus avec les Panthéens actuellement. Yes. Et que on a une myriade d'idées. Yes. Pour que ça se lance et que soyez stay cool, stay indulgent. Stay at home. Même pour le premier festival parce que ça va être de la merde. Mais ça va. Le premier festival ne sera que les premiers pas d'une grande épopée et que nous vivrons heureux à travers ça que les erreurs que nous pourrons apprendre pour le deuxième encore mieux et le troisième encore mieux et le quatrième encore mieux et ça va être extraordinaire. Merci douceur. Je vous fais des Merci énormes à vous, bisous. Je vous aime profondément. Gros bisous d'amour. Gros bisous. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce troisième point pété. Franchement, je ne dis pas que c'est peut-être pas le dernier point pété, des points pétés qu'il y aura sur Radio Boncon. Ce n'est peut-être pas le dernier. C'est peut-être le dernier, mais c'est peut-être pas le dernier. J'aime pas dire au revoir, donc on va dire que ce n'est pas le dernier. De toute façon, il reste encore une petite semaine sur Radio Boncon à profiter. Profiter et encore profiter. Je me fais un petit plaisir, je réécoute la première chanson que Monsieur Théo a fait pour moi, qui était vraiment ouf. Je vous fais des énormes bisous. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce énième point pété. Et puis, bah, à plus les gars. Merci. Et spéciale dédicace à RuPaul qui est vraiment un gros enculé. RuPatrice, pardon. Nanananananananan tant de blagues faciles d'un vide puéril. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec toi? Nanananana. Prêt à n'importe quel oups pour nous faire sourire. Directrice des programmes, parce qu'on est confinés. On écoute la radio. Si y'a un point conf avec Ophélie Souko, parce qu'on sait jamais. Si y'a un point pété, tu prends de nos nouvelles avec ta belle voix. Grâce à toi, on reste ensemble. Confiné à Agen, tu es pourtant là pour partager ta joie. Parce qu'on est confiné. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Pour écouter Point Conf avec Ophélie Souko. Avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. Si y'a un si point pété, et alors on fait des chroniques pour nous aussi t'amuser. On fait des oups dégueulasses et on écoute Christophe Maé. Parce qu'on est confiné. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Si on est confiné, au moins il y a Ophélie Souko. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Avec Ophélie Souko. C'est un point con. Parce qu'on est confiné. Avec la radio. Avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait confiné, jamais. On écoute la radio. Si y'a un point si pété, pété. On est avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. On écoute, on écoute, on écoute la radio. Pété. Merci Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. On écoute la radio et on reste connecté. Merci Ophélie Souko. Who keep on grooving? Hey, man, I'm jawal, free to fight the power with the Rastafari. Fighting. Big up, ganja, why? Hands up for the resistance against Babylon. Avec moi, terminal littéraire et mes frères sadistes de Voltaire. Babylon, tu peux le garder ton système. Babylon, on va se libérer de tes chaînes. Babylon, tout en toi n'est que haine. Babylon, Babylon, oh Babylon. On fait face au gouvernement qui nous ment ouvertement. Avec nos sous dans ses poches, ils nous laissent tous dans le vent. Plus complices, c'est son JT plein de vices. Free yourself, rejoins nos frères sadistes. Garde pour toi tes impôts et tes taxes surtaxées. Garde pour toi tous tes congés payés. Garde pour toi tes congés mat et paternité. Garde pour toi ta sécurité sociale. Toi et tout, ton RSA. Babylone, on veut bien une partie de ton système. Babylone, on va se libérer un peu de tes chaînes. Babylone, il y a de la haine en toi, mais pas que. Babylone, Babylone, oh Babylone. Babylone, ok pour le remboursement. Remonte la mort, et pour la mutuelle à 60%. Capital, et ta mutuelle, 60%. Et ta cédique, le pôle emploi. Quoi le clip? Quoi le clip? Eh, hey, oh, oh, qui c'est qui a payé le matos? Qui c'est qui a payé le micro? Hein? Bon, alors, oh, ça va. Allez, on continue. Ouais. Le point pété.